vendredi 17 mars. Bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10 heures. Cette semaine, j'avais envie de parler des hommes. Un peu comme je l'ai fait quand j'ai parlé du féminisme plus tôt cette saison. Et puis, je trouve qu'on parle peu de la condition masculine et qu'il y a encore beaucoup de tabous et de préjugés entourant les hommes et le monde masculin en général. Avant, on entendait parler des hommes machos. Après, ça a été les hommes roses. Ensuite, les métrosexuels. On a, je sais pas, c'est peut-être une opinion personnelle. J'ai comme l'impression que qu'on cherche à définir l'identité des hommes. Et puis, c'est ce dont, entre autres, ce que je vais parler en fait ce matin avec André Beaulieu, directeur général de l'organisme Autonomie ce matin. Bonjour, M. Beaulieu. Bon matin, Mélanie. Merci. Merci d'être venu à l'émission ce matin parler des hommes à la demande, à ma demande en fait. J'avais envie vraiment qu'on explore ce monde-là. Et puis, en commençant, ce qui m'a marqué, c'est dans le soleil, au mois de janvier, et même quand on a fait une pré-entrevue, quand vous avez dit que les hommes, en parlant du centre autonomie, c'est un centre pour hommes, déjà là, je vais le préciser aux auditeurs, quand les hommes arrivent au centre, c'est quand l'élastique est tiré au maximum et qu'il leur arrive quelque chose de sérieux. Ils viennent alors, vous dites, ils viennent quand ils ont frappé le mur. Effectivement, Mélanie, les hommes en général ont une façon, une manière, un rapport au service qui est plutôt particulier. C'est-à-dire que souvent, ils vont vraiment tenter de se démerder seuls, s'organiser pour régler leurs problèmes, et peu importe quel est le problème. Et souvent, ce qui va les faire bouger pour venir, entre autres, chez Autonomie, mais dans peu importe la ressource d'aide, c'est souvent quand il arrive malheureusement une brisure, une cassure, une séparation, peut-être, dans le cas qui nous occupe souvent chez nous, 60% des demandes d'aide sont liées à une rupture conjugale. Donc, souvent, c'est là qu'on va venir nous consulter. Mais contrairement, peut-être, exemple, aux femmes, la façon de demander de l'aide, la manière de se présenter. Chez nous, on vient pas se présenter, on se stationne dans le stationnement, on rentre et on est fier de venir chercher un coup de main. C'est plutôt l'inverse. On se stationne 2-3 rues plus loin, on fait le tour de la bâtisse, on finit par rentrer, on rentre du reculon. Et souvent, on a peu de mots, en tout cas au départ, pour exprimer comment ces gens-là se sentent. Et souvent, ils vont l'agir plus qu'ils vont en parler. Ouais, hein? Donc, concrètement, souvent, ils vont se présenter, ils ont peu de mots, on essaie simplement de les rassurer en leur disant « On est content que tu sois là, tu as bien fait de venir, voici ce qui va se passer dans les prochaines heures. » Et c'est un peu le travail qu'on a à faire de les rassurer au départ pour ensuite essayer d'éclairer leur situation, pour essayer de les aider, évidemment, à prendre leur vie en main. Parce que souvent, ils sont le premier acteur de leur vie, mais c'est souvent eux qui nuisent le plus à leur réalité. Mais pourquoi y attendre si longtemps? Moi, je parle des gens qui vont chez vous, les hommes qui vont à votre centre. Pourquoi y attendre si longtemps? Parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont y arriver seuls. Ils sont convaincus, ils sont construits depuis qu'ils sont tout petits, les hommes en général. En tout cas, puis il y a peut-être une catégorie d'hommes, là, les hommes un peu plus traditionnels, avec des valeurs peut-être aujourd'hui qu'on dirait d'une autre époque. Ils sont convaincus que c'est de leur responsabilité de trouver une solution à l'ensemble des problèmes que eux vivent, mais que leurs proches vivent. Et très fréquemment, de reconnaître qu'ils n'y arrivent pas, de reconnaître, malheureusement ou heureusement dans certaines situations, qu'ils n'ont pas toutes les réponses et qu'ils sont que des êtres humains et que ça peut arriver que des fois de demander un coup de main à quelqu'un d'autre, ça peut être une bonne idée. Les hommes ne sont pas construits comme ça. On leur a appris, puis je sais que c'est très cliché ce que je vais dire, mais on leur a vraiment appris très tôt dans la vie à faire fi de certaines émotions. Je vous donne un exemple simple, banal. en garderie, en CPE. Il y a des études qui ont été faites sur comment on va agir dans certaines situations avec les enfants. Donc, une petite fille de 3 ans qui tombe et un petit garçon de 3 ans qui tombe. Et on va faire ça sans aucune malice, sans aucun préjugé. Une petite fille tombe, on se penche, on colle l'enfant, on rassure l'enfant et on l'invite à retourner jouer. Ça se fait naturellement. J'ai fait la même chose avec mes propres enfants. Quand c'est un garçon, ben on reste debout, on se penche pas et on l'invite seulement à dire « Écoute, j'aimerais mieux que tu retournes jouer. » C'est comme si on lui disait « Ce type d'émotion-là chez toi, ça n'a pas vraiment sa place. » Ça commence jeune. Et si à 4 ans ou à 3 ans, ce genre de message-là est déjà lancé, ben c'est possible que si le message continue dans le temps, ben que ça fasse un individu qui est, entre autres, en tout cas fermé au niveau de ses émotions, ou en tout cas peu en contact avec certaines émotions, parce que souvent on dit que les hommes ont deux émotions, hein, ils sont très, très, très, très heureux ou en tabarnak, excusez le mot. Et entre les deux, il ne semble pas beaucoup avoir de nuances. Ouais. C'est un préjugé. C'est plus compliqué que ça. Mais quand même, ce que je suis en train de dire, c'est que la construction des gars, des hommes, malheureusement, passe encore aujourd'hui, et même les nouveaux hommes portent encore cette façon de faire-là. Parce que les jeunes ne demandent pas plus d'aide que les plus âgés. C'est ça, la nouvelle génération qu'on voit sur le marché du travail, les milléniaux qui s'en viennent aussi, ils ne demandent pas plus. Parce que vous, c'est à peu près à partir de 35 ans, le plus jeune qui va à votre centre a 35 ans, mais vous n'envoyez pas des en bas de 35 ans. C'est-à-dire qu'on a 15% environ de la clientèle qui est âgée de moins de 30 ans, ce qui est quand même en augmentation, okay. Bon, on l'a depuis quelques années. Mais on ne remarque pas de différence entre les jeunes hommes et les plus âgés au niveau de la demande d'aide. Mm-hmm. Donc, on attend encore l'élastique. Je ne sais pas si vous connaissez bon, l'expression « le syndrome du coiffeur ». Oui, bien, vous m'en l'avez expliqué, mais c'est vrai ce que vous dites. Je vais vous laisser l'expliquer. Simplement dire que une femme, quand elle veut se faire couper les cheveux, habituellement, elle va prendre un rendez-vous quelques semaines ou quelques mois d'avance, elle va se présenter et tout se passe bien. Un homme, souvent, le samedi matin, se lève à 8h30, prend son café, il n'a aucune idée qu'il va se faire couper les cheveux. Et à 8h35, ça lui passe l'idée d'aller se faire couper les cheveux. Et à 8h40, il va être au salon de coiffeur et il va demander un rendez-vous pratiquement sur le champ. Mm-hmm. Et s'il n'y a pas de réponse à ça, malheureusement, il ne se fera pas couper les cheveux. Mais c'est le même parallèle au niveau de la demande d'aide, c'est-à-dire que la journée où il y a besoin d'aide, c'est souvent, par exemple, dans le contexte moi que je connais, c'est madame a quitté et c'est là qu'il décide qu'il veut de l'aide. Et ça peut arriver, évidemment, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7. Et là, il va se présenter dans un centre comme Autonomie ou au CLSC. Et il s'attend à avoir une réponse presque instantanée, d'avoir un rendez-vous rapidement et que rapidement on puisse régler le sentiment qui l'habite. Et ouais, malheureusement, il y a souvent un écart important entre ce qu'on est capable d'offrir et les attentes des hommes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si vous vous présentez à peu près n'importe où pour avoir de l'aide, ben oui, on est capable peut-être de vous rencontrer rapidement pour faire une première rencontre d'accueil, pour essayer de voir ce qui vous arrive. Mais souvent, l'offre de service pour vous accompagner va malheureusement être repoussée dans le temps. Par exemple, 6 à 9 mois d'attente dans le réseau public, c'est pas très rare. C'est un peu la norme, malheureusement. Puis ils font pas exprès. Bon, c'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, mais une rencontre aussi, par exemple, un travailleur social. Voilà. Au CLSC, un exemple. Sauf qu'on sait que comme les hommes consultent tard, ben on sait que c'est contre-indiqué de les faire attendre, mm-hmm, parce que peut-être que cet homme-là, qui a fini par se présenter quelque part, s'il n'y a pas une réponse sur le champ, on ne sait pas ce que ça va générer ou ce que ça va créer comme, j'allais dire, ça peut dégénérer malheureusement. Et c'est malheureusement le cas dans certaines situations. Ouais. Donc, il faut être capable d'offrir une réponse très rapide aux hommes. Et les attentes des hommes, c'est souvent, j'ai 2 heures pour toi, vas-y, règle. On a des attentes un peu comme une auto qui brise. Comme un deal là, qu'on veut faire. L'aile est brisée, ouais, change-la, puis ça va bien aller après. Est-ce qu'on est plus dans le rationnel que dans l'émotionnel? Est-ce qu'on va plus au niveau de la tête pour... Est-ce que les hommes se présentent plus au niveau... on va faire une transaction, on va parler, on va dealer, on va, t'sais, on va expliquer ça avec des plus mais quand ça casse, les émotions remontent. Honnêtement, ça doit être rough pour eux autres. Là. Excusez l'expression du mot rough, là, mais ça doit être difficile. Là. Mais honnêtement, c'est sûr qu'ils se présentent chez nous avec un sentiment de honte. Ouais. Ils sont plutôt émotifs quand ils se présentent chez nous. Et souvent, l'émotion qu'ils ont, c'est qu'ils ont honte de leur réalité, mais ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont convaincus d'avoir tout fait pour que ça fonctionne. Hein, ouais. Et souvent, quand on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, j'ai tout fait pour que ça fonctionne, ben, ça veut dire, ben, j'ai travaillé plus, j'ai acheté une plus grosse maison, une plus grosse auto, j'ai plus de vacances, plus d'activités, j'ai fait plus. Mais c'est toujours plus juste dans un domaine, un secteur. Mm-hmm. Comme si la seule responsabilité qu'ils ont, c'est celle-là. Et ils occultent complètement une grande, grande zone de leur vie. Et souvent, on doit travailler un peu à leur faire prendre un recul puis leur dire, ben c'est peut-être sur d'autres aspects que le problème se situe. Mm-hmm. Sauf que pour faire ça, ça prend un homme qui est quand même capable d'un minimum d'introspection. Il faut être capable de reculer en arrière un peu. Et souvent, quand on leur demande qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, t'es séparé et tout ça, et souvent... Ils ont peu de mots à nous donner et ils comprennent très, très peu. Il faut beaucoup les aider à voir les signaux avant-coureurs. Mais pour eux, le décodeur qu'ils ont, puis je fais souvent le parallèle avec un tableau de bord d'automobile, ben c'est comme si pendant 10-12 ans, il y a des lumières jaunes sur le tableau de bord qui ont allumé hein, et qui ont clignoté pendant un certain nombre d'années. Mais ça n'a pas empêché le véhicule de fonctionner. Donc, dans la relation, c'est un peu la même chose. Donc, une chicane avec madame, bon, écoute, je l'ai écoutée, j'ai entendu ce qu'elle avait à dire, on s'est embrassé, on s'est collé, on a fait l'amour, puis on est reparti. Puis la vie a continué, il n'y a rien qui a changé. Mais on comprend que sur un nombre d'années, ben ça se peut que cette recette-là ne fonctionne plus. Ouais. Mais... Vous avez dit que c'est 60 % de votre clientèle qui va chez vous au centre autonomie, qui c'est par rapport à des ruptures. Donc, ouais. C'est quoi, quel lien vous voyez entre chaque, quel point commun on voit entre chaque personne? Parce que c'est quand même beaucoup, 60 % d'une clientèle qui vient pour une même raison. Ce qui est étonnant... Quand on rencontre ces hommes-là, bon, je vous parlais bon, du discours qui se ressemble, c'est-à-dire ils consultent quand ça vient d'arriver habituellement et quand on leur demande s'ils ont vu quelque chose, ils nous disent « j'ai rien vu venir ». Et quand on est à Autonomie, on travaille entre autres en groupe avec ces gens-là, ces hommes-là. Mm-hmm. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le même groupe de 10 hommes, vous allez avoir un jeune de 22-23 ans qui vit peut-être sa première séparation, pas d'enfant, étudiant, mais vous allez aussi avoir l'homme de 45-50 ans qui a 3 enfants, maison, chalet, bon, vous voyez un peu, bon, la charge, et qui est exactement à la même place au niveau des émotions que le jeune de 22, mais vous allez aussi avoir l'homme de 70 ans, mm-hmm. que sa conjointe vient de le quitter, 50 ans de mariage. Et ces gens-là sont assis dans la même salle. Ils nous traduisent des réalités similaires. Ils ne sont pas au même endroit dans leur vie. Non, c'est 3 générations différentes. Absolument. Mais le même sentiment de dire « j'ai tout donné, j'ai rien vu venir, je ne comprends pas ce qui m'arrive », c'est la même ligne pour tout le monde. Même ligne. Mm-hmm. Et la solution, évidemment, vous comprendrez que dans un groupe, et puis en passant, ça semble facile de dire... on invite les hommes à aller à un groupe. Non. 9 fois sur 10, ils ne veulent pas aller au groupe. En général, les gens, en général, veulent pas aller dans un groupe parler de ce qu'ils vivent ou de la difficulté qu'ils vivent. Donc, si en plus on a été coupé de ça, de ce qu'on vit, de nos émotions, ça doit être doublement difficile. Là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas d'entrée de jeu gagné quand on présente aux hommes l'idée de aller dans un groupe en lien avec la rupture, par exemple, parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils sont les seuls au monde à traverser cette épreuve-là. Puis ils ont l'impression, évidemment, que leur réalité, elle est toute particulière. Mm-hmm. Ce qui est le cas dans jusqu'à un certain point. Ce qu'ils oublient souvent, c'est que leur demande initiale est souvent, je veux voir un travailleur social ou un psychologue. Ils ne savent pas vraiment. Puis quand on leur demande, pourquoi tu veux ça? Et souvent, ils ne savent pas vraiment. C'est la seule référence qu'ils ont. C'est comme ça qu'on demande de l'aide. Mais souvent, on leur dit, écoute, tu n'as pas idée. Être une heure assis en face de quelqu'un où tu as le micro. Le micro est à toi. Et si tu t'amènes pas, si tu t'avances pas, la personne devant toi ne peut pas faire grand-chose pour toi. Mm-hmm. Il y a un commitment. En fait, il faut que tu t'engages. Dans un groupe, c'est très différent. C'est-à-dire que tu pourrais décider, puis c'est un peu le pari qu'on fait avec beaucoup d'hommes. Puis je vous le dis, c'est un pari. Hein? C'est comme, t'es pas game, try it. Hein? C'est presque de la psychologie masculine. C'est le langage de gars. Oui, c'est... mais on lui dit, prends 2h30 de ta vie. Là. Si ta vie est vraiment importante, là, prends 2h30 de ta vie, va t'asseoir dans une salle avec des hommes que tu ne connais pas. Tu pourrais rien dire durant 2h30. Tu dis absolument rien. Puis quand tu vas ressortir, tu m'appelleras pour me dire si tu es ressorti au même endroit que tu étais que quand tu es entré au groupe. Mm-hmm. Et 8 fois sur 10, les hommes restent au groupe. Ouais. Parce qu'ils comprennent une chose. Un, ils ne sont pas seuls. Ce qui était convaincu avant. Et deux, il y a des gens qui sont dans le groupe qui ne sont pas au même endroit que lui. Et souvent, qui sont plus loin. Ils ont cheminé. Ils ont avancé. Il y a des solutions à ça. Ouais. Puis, tu as une part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Tu as du pouvoir sur ça. Tu peux décider de faire quelque chose. Mais ça n'arrivera pas tout seul. Il va falloir que tu t'amènes. Et il y a des hommes autour de toi qui peuvent devenir des modèles. Mm-hmm. Hein? L'effet de gang doit aider aussi. À un moment donné, il y a une gang qui se crée, là. Bien, c'est certain que, étonnamment, on dit, tu sais, les hommes, souvent dans leur vie, ont une expérience de groupe. Oui. Beaucoup d'hommes ont une expérience de groupe. C'est ça, c'est pour ça que je pose la question. Oui, mais en même temps, c'est souvent une zone, c'est souvent, dans le sport, fréquemment. c'est dans le sport. Et pourtant, souvent, on va dans une certaine intimité, hein, dans les chambres de joueurs ou des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus épeurant de venir parler de sa vie personnelle, de ses difficultés personnelles devant d'autres. Mais en même temps, c'est extrêmement soutenant. Mm-hmm. C'est que si tu viens à chaque semaine, il finit par se créer des liens. Il y a un noyau qui se crée dans le groupe. Et c'est là qu'est la force du groupe. Puis c'est un peu ce qu'on prône chez nous. C'est évidemment du suivi individuel, on en fait. Et on en fait beaucoup. Ouais. Mais quand c'est possible, on pense que c'est vraiment un levier très fort, le groupe. Et effectivement, comme vous avez le mentionné, l'effet d'être en gang, de s'épauler l'un et l'autre, ça fait une différence parce que même au-delà du groupe, il est possible que des liens se tissent à l'externe. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier que les hommes, souvent, ont un très grand réseau d'amis, mais pour parler du hockey, de la politique, mais pas pour parler de « ça va pas bien chez moi avec ma blonde ou avec mes enfants ». Ça, c'est honteux. Je veux pas être jugé par mon meilleur chum. Je veux pas le perdre. Il est important pour moi. Mais je me fais pas assez confiance. Puis je lui fais pas assez confiance pour lui partager ça. C'est ça. Puis c'est pas tous les gars non plus qui ont le petit réseau d'amis fermé où est-ce qu'ils se rencontrent autour d'une bière. On dirait que ça prend une bière, une partie de hockey ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si je me trompe ou si je suis dans les préjugés, mais c'est dans ces moments-là où est-ce qu'ils vont un petit peu plus se confier. Est-ce qu'ils vont aller autant qu'avec un travailleur social ou un psychologue? Probablement pas. Mais il va quand même aller un petit peu plus vers les cordes sensibles. Est-ce que je me trompe? C'est ce qu'on reproduit avec le groupe. Oui, c'est clair que pour les hommes qui ont un certain réseau de ce type-là, parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est pas tous les hommes, mais ceux qui en ont un, effectivement, ça prend souvent un prétexte. C'est ça. Un prétexte, une game de hockey, pourquoi pas, une game de baseball, un match de boxe, peu importe, c'est même pas important, c'est le prétexte pour se rencontrer. Oui. C'est vrai que l'alcool peut faire du bien. Moi, ça enlève un peu les inhibitions. Mais en même temps, en tout cas, dans ce que nous, on vit, puis je veux pas dire... Autonomie reste une petite organisation. Non, bon, mais vous êtes sur le terrain, puis vous voyez. Ben, ça fait longtemps, en tout cas, qu'on est là. Ça fait 33 ans qu'on est là. C'est ça, ça fait 33 ans, puis vous, ça fait quoi, 22 ans, 23 ans que vous êtes là? C'est-à-dire que ça fait 22 ans que je travaille auprès des hommes en difficulté. Auprès des hommes, OK. C'est ça. À Autonomie, moi, je suis là depuis une douzaine d'années. Mais ce qui est clair pour moi actuellement, c'est que les hommes ont besoin de partager avec d'autres hommes. Et je dis pas qu'on peut pas avoir des amis de femmes. Ça ne peut pas être aidant, évidemment. Mais un homme, évidemment, quand on, parce que c'est peut-être une particularité aussi chez nous. Chez nous, ce sont des intervenants masculins. Oui. Hein, c'est comme un... Oui, il n'y a pas de femmes. Il y a un choix d'organisation qui s'est fait là, principalement axé sur le fait que on a un peu le même bagage. Les intervenants qui sont chez nous portent aussi les mêmes valeurs que les hommes qui reçoivent, viennent souvent des mêmes... Ouais, mais c'est le même principe et c'est pas du sexisme que vous faites. C'est vraiment, c'est comme le même principe qu'un centre pour femmes. Donc, où est-ce qu'on souhaite avoir des employées féminines si on s'adresse aux femmes? Puis, dans votre cas, vous voulez recréer la même situation, la confiance, c'est normal. Là, de... Puis, je trouve que c'est un choix qui est le fun là, pour les gens qui vont chez vous, les hommes. Puis, en même temps, tu sais, on a choisi ça aussi en lien avec le motif de consultation numéro un. Il y a une, tu sais, si je me suis séparé à 2h du matin cette nuit, je me présente quelque part et on me propose une intervenante féminine. Elle est capable de m'aider, c'est clair. Elle a les compétences pour le faire. Ouais. Cependant, il est possible, dans certaines situations, que ça vienne nuire à la relation d'aide parce qu'il y a un transfert qui se fait, parce qu'on n'est pas prêt à ça encore. Même souvent, dans la démarche, même chez nous, oui, chez nous, c'est des intervenants masculins, on fait un bout de chemin avec l'homme, mais très souvent, on va lui proposer ensuite de poursuivre une relation et avec un intervenant féminin. Mm-hmm. Parce que c'est aussi un plus. Faut un jour se challenger, retourner dans le... Moi, je dis le carré de sable, il faut aller jouer à se remettre en relation avec une femme. Il faut apprendre les codes. T'es a manqué une première fois ou une deuxième fois les codes. Ce serait peut-être le fun que cette fois-ci, les codes soient plus clairs, que ton décodeur soit plus aiguisé et que tu te mettes à l'épreuve un peu. Donc, tout ça pour dire que le groupe, en tout cas chez nous, c'est une majeure. On a 6-7 groupes par semaine et 70 hommes par semaine qui viennent à nos groupes. Puis c'est une des clés. Tantôt, on parlait de l'élastique qui pète. Et la rapidité de la réponse que ça prend, ben les groupes, entre autres les groupes qu'on appelle chez nous ouverts, donc des groupes à entrée continue, à chaque semaine, des hommes peuvent intégrer un groupe. Ben ça, c'est génial parce que dans la même semaine ou dans la semaine qui suit, la démarche est entamée. Le délai, ça répond exactement à la commande que les gars ont. Oui, ils n'ont pas besoin d'attendre qu'il y ait une autre ouverture pour un autre groupe dans X temps. Voilà. Ça se fait vraiment d'une semaine, oups, on arrive, la semaine d'après, on est déjà inscrit. C'est extrêmement rapide et ça répond à la dynamique particulière des hommes. Et c'est d'ailleurs un peu ce que beaucoup d'organismes essaient de comprendre, c'est chez nous, exemple, si le CLSC offre pas un service rapide, ils cherchent eux aussi des solutions pour répondre aux hommes. Et souvent, la solution la plus simple, c'est de les référer chez nous. Oui, hein. C'est vraiment la façon la plus simple. Puis, j'ai une question. Pourquoi, après une rupture, un homme va décider d'aller chez vous? Pour quelle raison? Je vous ai vu les yeux changer. Si vous voulez toute la vérité, je vous ai dit souvent que les gars agissent quand, malheureusement, ils frappent un mur. Souvent, la motivation numéro un chez les gars, c'est souvent le retour de madame attendue. Et la motivation, c'est souvent madame qui a mis des pressions depuis longtemps pour que monsieur bouge. Donc, puis je fais un parallèle, puis vous allez le trouver un peu boiteux, mais je vais me permettre de le faire quand même. Allez-y. Vous savez qu'à Autonomie, il y a 15% de la clientèle qui est judiciarisée, donc qui est obligée par la cour de se présenter dans nos services. Et souvent, on questionne la motivation de ces gens-là pour dire, ils sont obligés, donc ils ne doivent pas être très motivés. Moi, j'ai l'impression que chez nous, quand un homme se présente chez nous, il y a toujours une certaine obligation de quelque part. Que ça soit la justice, c'est une certaine pression. Mais si c'est ma conjointe qui me dit « ou tu fais quelque chose, ou je disparais », c'est une autre forme d'obligation. Ouais. Et la motivation est toujours questionnable. Cependant, chez nous, l'objectif, c'est à partir du moment où un homme traverse la porte, peu importe d'où la motivation vient de où, on s'en préoccupe peu. C'est-à-dire que on comprend qu'il y a une pression quelque part, mais nous, quand on est assis devant lui, et on lui demande à lui, « Toi, qu'est-ce qui t'amène et qu'est-ce que tu veux faire? » Si sa réponse, c'est « Ma blonde m'a envoyé » ou « Mon agent de probation m'a envoyé », si c'est la seule motivation, souvent on va lui dire, « Bien, écoute, c'est pas assez clair pour toi pourquoi tu viens ici. Mm-hmm. Retourne réfléchir et tu reviendras. » Ah oui, vous leur dites ça carrément? Bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que vous pouvez pas les aider. À la base, il faut que tu viennes nous dire minimalement ça va pas pour moi et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'appartient dans ce qui se passe puis je veux travailler dessus. Mm-hmm. Ça peut être pas une énorme motivation, mais il faut qu'il y en ait minimalement une. Mm-hmm. Hein? Donc, mais c'est clair chez nous qu'à partir du moment où tu rentres chez nous, on va tout faire pour t'offrir des services, mais c'est clair aussi qu'on a besoin de travailler sur un objectif qui t'appartient. Si je viens pour ma blonde, ouais, c'est bien beau, mais toi, tu veux quoi? C'est ça, c'est pas... Pour faire plaisir, là, c'est pas la meilleure raison. C'est-à-dire que peut-être que dans sa vie, ce moteur-là a été opérant jusqu'à la journée où il vient nous voir. Toujours faire pour faire plaisir. Mm-hmm. Hein? Toujours faire plaisir à tout le monde. Mais peut-être que là, il faut changer la cassette. Bien, vous m'amenez justement au fait de toujours vouloir faire plaisir. Tu sais, on a l'image au niveau de la société de l'homme qui veut pas nécessairement faire plaisir, mais qui, mm-hmm. qui est plus, je sais pas, rudimentaire, plus macho, plus... Mm-hmm. Puis là, vous amenez un côté plus sensible. Bien, gars, oui, c'était pour faire plaisir à ma blonde, c'était pour faire plaisir à mes enfants. Ou, tu sais, si, admettons, il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans, parce que ça, vous en voyez... Vous amenez une autre facette qu'on entend moins parler dans les médias. On l'entend parler à micro fermé quand on est chez nous. On l'entend, ce discours-là. Mais au niveau des médias, on dirait qu'il y a une mauvaise presse avec les hommes. Écoutez, c'est sûr que vous comprendrez qu'habituellement, puis je vous remercie pour l'invitation de ce matin, on est rarement invité pour parler de la réalité des hommes dans leur globalité. On nous demande fréquemment d'intervenir dans les médias, mais quand il y a eu un meurtre, un suicide, un abus d'un enfant, c'est dans ces contextes-là qu'on nous demande de venir. Et évidemment, ce qu'on nous demande de dire, ou à peu près, c'est de décrier les hommes. Mm-hmm. Faut comprendre que chez nous, on a un préjugé favorable envers les hommes. Et des hommes qui ont des comportements violents, là, ça existe, c'est clair. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous pour encore presque une grosse demi-heure. On finit à 10h. Mais d'ici ce temps-là, on va avoir le temps de pouvoir parler avec mon invité de ce matin, André Beaulieu. On parle des hommes ce matin. André Beaulieu du Centre de l'organisme Autonomie à Québec, situé sur la 3e avenue. On parlait avant la pause... du côté de la mauvaise presse des hommes. Et puis, je voulais continuer sur le sujet. On fait appel à vous pour le côté mauvaise presse. Bien, quand il y a des drames, quand il y a des meurtres, des suicides, puis tout ça, quand il y a des actes de violence. On a parlé de la sensibilité des hommes qu'on met peu de l'avant dans les médias. Et puis, vous me disiez avant la pause, justement, que le Centre Autonomie, est-ce qu'il peut ne pas être... Je vais le faire en français. Est-ce que le Centre Autonomie est trop, justement, identifié à la violence, à des scènes de crime, quand il y a quelque chose qui est arrivé à un homme qui a décidé de commettre un acte? Écoutez, c'est certain, comme je vous dis, les préjugés entourant un centre d'aide comme Autonomie, je pense que beaucoup de gens, et c'est connu, qui pensent que Autonomie, c'est un centre pour des batteurs de femmes, pour des abuseurs d'enfants, pour des homosexuels. Évidemment, on est comme l'ensemble de la population. Cette clientèle-là existe. Vous êtes généraliste à votre On sens. Est des généralistes. Évidemment, Autonomie n'est pas spécialisée en violence conjugale. Il y a un organisme à Québec qui s'appelle GAPI, qui est spécialisé pour les hommes qui ont des comportements violents en contexte conjugal et familial, et on réfère ces dossiers-là à cet organisme-là. Par contre, la violence est présente chez plusieurs hommes. Mm-hmm. L'impulsivité, c'est très présent. Et là, on parle beaucoup pour nous, quand on pense à ces comportements-là, on pense à la gestion des émotions, ce qu'il y a derrière, évidemment. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on a mauvaise presse? C'est-à-dire qu'on nous interpelle toujours malheureusement dans ces cas-là, et habituellement, on se permet d'y aller parce qu'on a rarement l'opportunité de parler des hommes. Ouais. Cependant, les hommes ne sont pas que des gens qui ont des comportements violents. La majorité des hommes qui se présentent dans notre centre, ce sont des hommes, monsieur tout le monde, le comptable qui est en dépression, quelqu'un qui a perdu son emploi, quelqu'un qui malheureusement a des difficultés avec ses enfants. C'est vraiment les difficultés que tout le monde traverse. On essaie d'aider tous les hommes, peu importe la couleur de leur peau, ce qui les amène chez nous, on essaie de les aider. Mais oui, on aimerait ça être plus présent dans les médias, mais peut-être avec une couleur un peu plus nuancée chez les hommes. Mm-hmm. Parce que, comme je vous dis, les hommes sont beaucoup plus sensibles qu'il n'y paraît. Par contre, le masque qu'ils portent est souvent très puissant. Il est là depuis longtemps. C'est un des préjugés principaux, je pense. Le côté homme qui doit être fort, qui pleure pas, c'est un des préjugés. Puis même, le préjugé est tellement fort que les hommes eux-mêmes le croient, qu'il faut pas pleurer. Puis vous en avez parlé tantôt avec la garderie. Un petit garçon, on lui dit de se relever, de continuer à jouer, puis on le prend pas dans nos bras nécessairement, comme on ferait avec une petite fille. Bien, écoutez, je pense que ce fameux masque-là, l'espèce d'image d'invulnérabilité de l'homme, celui qui paye le plus la facture de ce masque-là, c'est l'homme lui-même. Ben oui. Évidemment, ça a des conséquences pour conjointes, pour les enfants et tout. Oui. Mais il est quand même le premier acteur. Les premières conséquences sont pour lui. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'avait pas le droit d'être un être humain, simplement. Hein. Et même, je vous dirais, j'irais plus loin, ça se répercute, ça se reflète dans les services qui sont développés. C'est-à-dire, on prend pour acquis que les gars n'ont pas vraiment besoin d'aide. Donc, pourquoi un centre comme Autonomie? Maintenant, ils vont se débrouiller de seuls. Ben voilà. Et même les hommes sont convaincus de ça. Dans les études les plus récentes qui sont sorties sur les hommes en novembre 2015, donc c'est quand même relativement récent, sur le rapport au service des hommes, les hommes, on leur demandait, c'est quand la première fois que tu as consulté, au niveau du réseau public, de santé, souvent c'est quand il y a une cassure. Mm-hmm. Le dos a flanché, je me suis cassé la clavicule, je me suis cassé une jambe. De quoi de physique, là? C'est pas. Oui, puis on comprend, on est encore dans la cassure, on n'est pas dans la prévention, on n'est pas là. Donc, les hommes, puis quand on leur demande, si vous seriez en difficulté majeure dans votre vie personnelle, est-ce que vous iriez consulter? Bien, les chiffres sont autour de 70 à 80 %. La réponse, c'est non. Ils sont convaincus que ça va servir à rien. Ah oui. Et que les seuls responsables de cette situation, c'est eux. Et c'est à eux de trouver une solution. Mais c'est un gros chiffre, ça. Bien, c'est un chiffre. C'est énorme. Abominable, honnêtement. Puis le pire, c'est que les moyens que les hommes vont trouver pour régler les situations, souvent, ne sont pas les bonnes. Je vous donne des exemples. Mm-hmm. Il y a les hommes qui travaillent beaucoup. Ça, socialement, ça paraît bien. Il fait des heures supplémentaires, donc ça passe bien socialement. Par contre, il a peur de quoi? Il s'éloigne de quoi? Il a un prix. Il y a mieux être workaholic. Bien sûr. C'est quasiment bien vu. Ben là. Oui, c'est parfait. Son boss le valorise et tout et tout. Ouais. Il y a ceux qui vont prendre un coup. Il y a ceux qui vont se geler. Donc, quelque part, on dirait que la porte de sortie pour gérer ces situations-là, c'est essayer de ne pas trop sentir, de s'éloigner du problème. Donc, quelque part, Ben, se geler, dans le fond, vous avez parlé autant des drogues que l'emploi, le travail. Les médicaments. Ça peut être ça aussi, là. C'est de se paralyser les émotions. Absolument. Et pourtant, à l'inverse, il y a un préjugé très fort qui dit que les hommes parlent peu. Mm-hmm. Ben, ils parlent peu quand les conditions sont pas là. Je donne un exemple. Dans nos groupes, puis je vous l'ai dit, là, les hommes vont là de reculons au départ. Hein. Ils veulent pas y aller, ils ont peur, ils ont des craintes. Non. Et on les comprend et on les respecte. C'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu. Oui. Mais une fois qu'ils sont dans le groupe, ben quand à la fin du groupe, il faut finir, il faut closer, ben on a de la misère à fermer. Parce que c'est parti. Ah ouais. Ils sont en confiance. L'alliance, elle est créée. Et ça leur fait du bien. Ils s'en rendent compte que de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, c'est aidant, c'est soutenant. Et ils repartent plus légers à la fin de la soirée. Et ça va influencer comment ils vont être à la maison. Parce qu'il faut comprendre une chose. Hein, on peut penser bien des choses, mais aider les hommes, comme ce qu'on fait autonomie, mais ailleurs, c'est aider les femmes et les enfants. Mm-hmm. Quand un père de famille va bien, ben, ça veut dire que ses rapports vont être harmonieux avec sa conjointe, avec ses enfants. Il va avoir le goût de développer des projets, il va avoir le goût de s'engager. Il va être un actif mm-hmm. pour la famille, mais pour la société en général. Mais à l'inverse, quand on étiquette les gars d'une certaine manière, quand les services ne sont pas adaptés pour eux, quand on a l'impression qu'on n'est jamais dans le bon cadre. Vous parlez tantôt que les gars se cherchent, les gars ne savent pas trop. J'ai ce sentiment-là qu'on dirait qu'ils se sont tellement fait traiter de violents, de machos. Après ça, ça a été l'homme rose, là, le mot carpet qui est arrivé. C'est comme si on dirait qu'il faut qu'il soit quelque chose, mais c'est jamais positif. Je pensais pas que je vous dirais ça, mais quand quand j'étais étudiant à l'université, j'avais choisi de devenir psychologue pour enfants. Je m'étais dit, je vais faire beaucoup d'argent, puis je vais travailler avec les enfants. Et j'ai travaillé à l'université avec un groupe de recherche en enfance. Et j'ai été jumelé, moi, à des pères de la DPJ, mm-hmm. qui à l'époque étaient identifiés comme négligents ou inadéquats et tout et tout. Et dans les échanges qu'on pouvait avoir avec ces hommes-là, mais aussi avec les intervenants qui travaillaient auprès de ces hommes-là, je m'étais rendu compte d'une chose et qui m'a marqué parce qu'aujourd'hui, je ne fais que ça, bon, depuis que j'ai découvert ça, c'est qu'à chaque fois qu'on parlait des pères, on leur reprochait, quand ils n'étaient pas là, évidemment, c'était pas correct, et quand ils étaient là, ils étaient inadéquats. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Je disais, être un père, c'est un emmerde de première et on s'en sort pas. Mais non, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, on n'est jamais correct. Semblerait-il, en tout cas. Mais évidemment, ça remonte à quelques années, bon, tout ça. Mais aujourd'hui, je me dis, ben, des centres comme autonomie, mais n'importe quelle organisation peut aider les hommes. Mm-hmm. N'importe quelle. C'est pas spécifique à chez nous. Oui, chez nous, on fait que ça. Mais un CLSC peut le faire. Les écoles peuvent le faire. Tout le monde peut le faire. Par contre, il faut juste reconnaître que ça se peut. Qui a besoin d'aide une fois de temps en temps. Et c'est pas gagné tous les jours, je peux vous le dire. Le centre autonomie, on parle des services. Vous en offrez de groupe et individuel. Qu'est-ce que vous offrez exactement? Parce que j'aimerais qu'on fasse connaître votre organisme aux auditeurs, qu'on puisse... Là, on vous entend parler des hommes, tout ça, depuis tantôt. Et puis, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus d'autonomie. Qu'est-ce que... oui, on comprend que vous aidez les hommes, c'est votre mission première. Bien sûr. Mais au niveau des services, qu'est-ce que vous offrez comme, admettons, quelqu'un qui vous écoute, qui dit « Ouais, ben moi, je sais pas, pour tel problème, est-ce qu'il pourrait m'aider, ce centre-là? » Écoutez, c'est relativement simple. Le premier service, qui est la porte d'entrée de l'organisation, c'est le service d'accueil et d'orientation sans rendez-vous. Donc, dans les faits, un homme qui pense qu'il aurait besoin d'aide pour peu importe la difficulté, c'est-à-dire... C'est important, ça. C'est-à-dire que... C'est important de le mentionner, là, peu importe. C'est-à-dire que on n'est pas un centre spécialisé dans rien, on est un généraliste. Donc, si t'es un homme, tu traverses des difficultés, puis t'as besoin d'y voir clair, t'as besoin de recul, ben tu peux venir faire un tour chez nous. Le service d'accueil, c'est du mardi au jeudi, entre 14h et 19h. L'idéal est d'appeler avant, c'est sûr, parce que on n'a pas de... nos capacités de recevoir, elle n'est pas infinie, mm-hmm. mais on appelle, j'ai dit, écoute, est-ce que je peux me présenter habituellement? Bon, la réponse, ça va être oui. On va le rencontrer cette journée-là, on va prendre une heure et demie avec lui pour faire le tour de ce qui lui arrive. À la fin de la rencontre, on va lui proposer soit un groupe, soit l'individuel, soit les deux, ou une référence externe si jamais on n'est pas la bonne solution à ce qui se passe pour lui. Concrètement, ce référencement-là va se faire assez vite. Donc, oui, c'est ce que j'allais demander. Ça va aller assez vite là, pour référencer quelqu'un. Là. C'est que dans les faits, dans les groupes, surtout les groupes ouverts, parce qu'on a ce qu'on appelle trois groupes ouverts, le groupe homme en rupture, le groupe gestion des émotions et le groupe gestion des situations difficiles. Ce sont trois groupes à entrée continue. Donc, il est possible, dans certaines situations, que l'homme qui consulte cette semaine soit référé cette semaine et commence cette semaine le groupe ouvert. Oui. Et situations difficiles, qu'est-ce que vous entendez par là? Je m'excuse, je ne veux pas vous interrompre. Je comprends votre question. Parce que là, on entend au niveau vous avez parlé des ruptures. Le deuxième groupe... Gestion des émotions. Gestion des émotions, on le comprend. Mais situations difficiles, qu'est-ce qui est une situation difficile? Vous avez une très, très bonne question. Et puis, vous allez voir la réponse. Et on n'a pas réfléchi pendant 1000 ans. C'est-à-dire que le défi chez nous, c'est toujours le même. Il faut que les hommes, il faut les mettre en action rapidement dans les services. Il ne faut pas qu'il y ait de délai. Mm-hmm. Donc, si tu ne vis pas une rupture qui est 60% de notre clientèle, si tu ne vis pas si tu n'as pas de la difficulté à gérer tes émotions, puis ça te prend un service rapide, l'autre groupe qui reste, c'est GSD. Situation. Gestion des situations difficiles. Vous allez me dire, c'est pas réfléchi, génial. Ben, ça fait quand même à peu près 30 ans que ces groupes-là roulent. Ben oui. On vit quelque chose de difficile, mais c'est ni un ni l'autre. C'est ça. Et ça permet une chose, c'est que ça permet d'éviter de mettre un homme, exemple, qui aurait besoin d'un suivi individuel, c'est ce qu'il aurait besoin, mais pour plein de raisons, je suis pas capable de lui donner tout de suite parce qu'il faut comprendre que l'équipe de travail chez nous, c'est principalement des contractuels. Mm-hmm. Donc, on a 17 intervenants contractuels. Donc, moi, je dois jumeler, dans le fond, le besoin de l'homme avec le bon professionnel. Et ça arrive des fois que ça ne tombe pas en même temps. Donc, il y a un écart, il y a un délai. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et c'est pour ça que le groupe gestion des situations difficiles est là. Je peux te permettre d'entamer une démarche tout de suite. Tu vas commencer à faire du travail sur toi. Et aussitôt que moi, ma place se libère en individuel, je vais pouvoir te référer. Mm-hmm. Donc, c'est un peu la logique des groupes ouverts. C'est des groupes qui, en soi, n'ont pas de contenu prédéterminé. Ouais. Il y a un thème et le contenu déterminé par qui? Par les hommes qui sont présents ce soir-là. Mm-hmm. Et comment on fait? La mécanique est simple. C'est, on a ce qu'on appelle... Parce que vous savez, avec les hommes, on ne demande pas la question « Bonsoir, comment tu te sens? » C'est une mauvaise question. Ça marche pas. Parce que cette question-là va amener plus de flou que de réponse. Ouais. Il ne sait pas, il sait qu'il ne se sent pas bien. Il n'est pas capable de préciser à ce moment-ci. Donc, souvent, pour aider, on se sert d'une échelle de 1 à 10 de bien-être. Mm-hmm. Et là, c'est concret. On lui dit de 1 à 10, 10 étant le paradis et 1, je me tue après-midi, t'es où? Et souvent, les hommes vont nous dire 3, 4, 5, 6. Et à partir du moment où j'ai un chiffre... Bien, vous fonctionnez comme quand on a mal à quelque part. Oui, mais c'est très, très concret. C'est très concret. Et ce qui est le fun, c'est que quand le gars nous dit 3, bien, on peut se permettre de dire « Pourquoi 3? » Et là, j'ai accès à l'histoire qu'il y a derrière. Et si j'ai 4 gars qui sont à 3, bien, on va s'entendre en groupe pour dire « Est-ce que vous êtes d'accord ce soir, messieurs, pour qu'on focus sur les thèmes qui touchent ces 4 personnes-là ce soir, principalement, qui habituellement vont faire du sens pour tout le monde? Hein? » Et c'est comme ça qu'on avance. On a aussi des groupes qu'on appelle des groupes fermés. Donc, les groupes fermés, c'est des groupes qui sont à thématique. Donc, mm-hmm. je donne un exemple. On a un groupe, je vais rigoler un peu, un groupe sur l'estime de soi. Ouais. Pendant des années, on avait un groupe qui s'appelait le groupe estime de soi. Sauf qu'on s'est rendu compte que l'estime de soi, c'est pas très vendeur. Ça vendait pas. Hein? Au niveau marketing, là, c'est vraiment pas fort. Donc, on a fait une opération très simple. On a changé le nom du groupe. Et maintenant, il s'appelle le groupe Maître de soi. Ah! Et actuellement, il y a des listes d'attente pour le groupe. Être maître de soi. Que d'avoir de l'estime. C'est-à-dire que dans les faits, c'est le même contenu, mais il est juste vendu différemment. Mais en même temps, ça répond à une espèce aux valeurs des hommes. Être indépendant, être capable de se démerder, être maître de soi, c'est la même logique, c'est le même esprit. Donc, un groupe maître de soi qui est un groupe qui part à une date fixe avec des thèmes à chaque soir pour finaliser avec une conclusion commune. On a un groupe qui s'appelle « Pour les hommes victimes d'abus sexuels dans l'enfance ». Oui, ça c'est difficile là, c'est à aborder. Là. Déjà, juste d'y aller pour parler de ce qu'on a vécu, ça ne doit pas être évident. C'est-à-dire que dans les faits, les hommes ne nous consultent jamais pour ça. Souvent, ils rentrent avec un problème de couple. Souvent, ils sont suivis en individuel. Et souvent, lors du suivi individuel, c'est là qu'on va apprendre. Donc, ils ne l'avaient pas annoncé au départ, qui ont été abusés quand il y avait 7 ans ou 8 ans, soit par le père, le frère. Ils arrivent avec un autre, un peu comme avec la violence conjugale que les hommes peuvent vivre. Même chose. Ils arrivent avec, admettons, une rupture ou quelque chose qu'ils ont vécu, qui n'est pas nécessairement ça directement. Puis, à un moment donné, les portes s'ouvrent, puis on découvre ça. C'est-à-dire que les conditions sont là, la confiance s'installe, l'alliance est bonne, et à un moment donné, ça finit par sortir. Et souvent, c'est la première fois qu'ils le dévoilent. Et évidemment, on peut plus. L'objectif de départ qu'on avait vient de changer. On est obligé de changer mon objectif. Et là, de dire, écoute, à ce moment-là, si c'est ce qui t'anime actuellement, puis nous, on pense que c'est sûrement ce qui est en partie responsable de beaucoup d'autres problèmes que tu as eus, ça peut être intéressant pour toi de travailler sur ça. Mais là, c'est sûr que de dire, OK, je vais travailler sur. Je viens de le dévoiler. Et là, on me propose d'aller faire une démarche en groupe. Là aussi, il y a des marches à faire pour y arriver. C'est pour ça souvent qu'il y a des rencontres pré-groupe pour préparer les gens à ce type de groupe-là. Donc, c'est quand même un groupe qui, en volume, est beaucoup moins grand. On parle de quelques groupes par année. Des groupes plus petits, des groupes de 6 et non pas de 10, un peu différents. Et souvent, évidemment, avec une charge d'un certain niveau. Comme chez les femmes, hein? C'est la même, la même logique. On a un groupe aussi pour les pères qui sont en perte de lien avec leurs enfants. Donc, le groupe Père pour toujours, qui est un groupe à thématiques aussi. À chaque semaine, on part 10 hommes, on est ensemble pendant 10 semaines et on travaille sur des thématiques qui sont liées aux relations avec les enfants. Et puis, tantôt, on parlait, je reviens un peu en arrière, mais on parlait de motivation chez les hommes, qu'est-ce qui fait qu'ils consultent et tout ça. Depuis 7 ou 8 ans, Autonomie offre certaines rencontres au centre de détention de Québec. Okay. Hein, c'est pas un endroit qu'on pense qu'on va offrir de l'aide. Étonnamment, je peux vous dire une chose, on va là depuis 8-9 ans. Pour les détenus, mais pour les compétences parentales, spécifiquement. Okay. Donc, c'est des hommes qui ont des enfants, mais qui sont souvent en perte de lien, évidemment. Donc, tout ça pour dire que même dans un contexte où, la motivation, à première vue, semble peut-être pas très élevée, habituellement, ça participe pas mal et les résultats sont souvent fort intéressants. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, les groupes, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. L'individuel, évidemment, s'offre. Il y a souvent un peu plus de délai. On peut parler de 5 à 10 jours ouvrables pour avoir un suivi individuel. Mais c'est quand même rapide, 5 à 10 jours ouvrables. Là. C'est-à-dire que pour les hommes, c'est vraiment pas rapide. Mais effectivement, quand on se compare, on dit que c'est pas si mal. Environ une semaine et demie. Voilà. Bon. Donc, c'est quand même pas si mal. C'est rapide. Absolument. On change la perception, un peu comme maître de soi au lieu d'estime de soi. Exactement. Et évidemment, donc, on offre vraiment ces deux formules de service-là. Et le plus simple pour n'importe qui, c'est de se présenter. Tantôt, le plus simple, le moins compliqué. Et en même temps, je dis ça, souvent pour les gars, c'est le plus dur, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Par contre, une fois qu'ils sont entrés, 75% des hommes qui entrent à Autonomie complètent le service. Ouais. Le délai de cheminement moyen, c'est 8 mois à Autonomie. Mm-hmm. En terminant, M. Beaulieu, je voulais vous remercier et d'être venu parler de la condition masculine que vous connaissez sur le terrain. Vous ne pouvez pas parler de tout. De tout ce qui se passe pour tous les hommes. Vous n'êtes pas la voix de tous les hommes non plus, mais vous en représentez quand même une bonne gang. 500 par année. C'est beaucoup. Et puis, en terminant, le samedi 6 mai, il y a un événement au Palais Montcalm qui est le concert-conférence qui est avec Charles-Philippe David et les violons du roi. C'est sur le thème de « Quel avenir pour la paix? » C'est ça? Absolument. Écoutez, dans le fond, c'est une activité, le bénéfice pour générer des fonds pour Autonomie parce qu'il faut D'accord. qu'on... je veux pas aller trop loin parce que je pense que le temps est passé là. Allez-y. Non, ben en gros 50% bon, du financement que Autonomie a vient du ministère de la Santé, mais il faut trouver 50% et on fait des activités bon, de ce type-là, on invite tout le monde à venir réfléchir avec nous sur ce qui se passe dans notre monde. Mm-hmm. Monsieur David va être là pour essayer de nous éclairer avec une lumière qui est peut-être plus internationale. OK. Voilà. Donc, on vous invite. Les billets sont en vente sur Billettech. Et je vais mettre les liens sur, autant pour le concert-conférence du 6 mai que pour le centre, l'organisme Autonomie qui est situé sur la 3e avenue à Limoilou au 1575. Ce que je vais faire, je vais tout mettre les liens sur les différents, la page Facebook. Monsieur Beaulieu, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et vous revenez quand vous voulez. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup.